Exercice 6, page 128. A. C'est de l'eau potable? B. C'est une chaise pliable? C. Tu as ton portable? D. Tu crois que c'est possible? E. Mon fils est pénible. F. Quel endroit paisible!